Ce que j'ai vécu fait aujourd'hui de moi ce que je suis. Quand je suis perdu, je recule, je ne sais pas ce que je fuis. Quand je regarde la nuit, j'esquisse un sourire. Et quand j'observe la vie, je vois mes rêves mourir. Le regard vide quand la rétine observe l'avenir. Rempli d'espoir, car mon heure je l'attends venir. De caractère sceptique à cause de mes blessures. Comment être sûr de pas être déçu quand l'échec t'envenime? Désormais j'ai pris le temps de voir venir. Je reste sur mes gardes pour pas tomber sur le cul. L'horloge tourne, les années défilent. Se construire, vivre, à présent c'est un défi. Sur le fil, bloqué entre un mur et un précipice. J'ai le choix entre le vide ou une paroi lisse. Autrement dit, où je saute ou je grandis. Où je stagne et je m'enfuis. Où je souris à la vie. J'ai un objectif, celui d'avoir une famille. D'avoir une descendance, de la nourrir et de la voir grandir. À l'heure où j'écris, j'ai le mental fragile. Je suis rempli de questions sans réponse qui m'affaiblissent. Je ne sais pas quoi dire, ni par quoi commencer. Je ne sais même pas ce qui m'empêche d'avancer. Est-ce la peur de l'inconnu ou simplement ce monde? Mais ce qui est sûr, c'est que j'en saurai pas plus dans 30 secondes. Les mesures avancent, les rimes s'activent. Les mots s'entremêlent, mais je suis toujours pas réactif. Je ne sais pas réellement ce qui m'abrite. Mais ce que je sais, c'est que ça me bouffe la vie. Face à la vitre, je vois un jeune triste. Pourquoi? Je sais pas, je connais même pas mes cicatrices. Être un artiste, apparemment ça m'était destiné. Espérons qu'à travers la musique, je trouve la paix. Qu'à travers la musique,